café pour la montagne. Certains naissent cafards. Certains naissent employés ou Mère Teresa. Ces types-là, par exemple, sont nés pour être matons. Et moi, je suis né pour être un voleur. Moi je savais voler avant qu'on m'appelle la mouche et autrement. Avant de voler de mes propres ailes, moi je volais de mes propres mains et proprement. Donc tes histoires tu iras les raconter à d'autres et t'apprendras que l'argent sale doit être remis en main propre. C'est comme ça et autrement, je développe énormément. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends. Doucheron, t'entends? Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que tu comprends. Wesh mon frère, la galère, je t'apprends rien. Ça s'en va et ça, les galères c'est comme Clo-Clo, ça s'en va et ça revient. Un coup ça va, un coup pas bien, je gratte sans balles et je me maintiens. Je frappe la basse, je suis pas humain, l'homme impulsif, je t'apprends rien. Mais un vrai mec vend sa femme, ça s'emballe mais ça se retient. Alors j'en parle et je sais très bien qu'on se drape pas tous d'accord. L'homme et ses opinions, combien sont pour la peine de mort. Et encore hier, on a retrouvé un truc chelou dans la mer. Moi je suis conscient de mes erreurs, je me demande ce que l'avenir me réserve. Mais me dis pas que j'ai un don, s'il te plaît, je chante le mal. Paraît que la musique c'est péché, je veux pas croire que j'ai un don du diable. Je représente les mecs écorchés vifs. Y'en a tellement sous le porche que ma sacoche déborde de rimes. On avance avec la haine, on a du mal à lui crever les pneus. Bien sûr que l'amour est aveugle, les jeunes du Tchex lui ont crevé les yeux. Être un mec bien, j'essaie mais je m'en boucane. Hier soir j'ai fait un rêve, j'étais avec ta femme. Je fais cogiter comme une minute de silence. Faut réfléchir, savoir se taire, la vérité sort de la bouche des balances. C'est l'hécatombe, des mégatombes pour de l'oseille. À vrai dire, leur avenir c'est un glaçon en plein soleil. Départ pour la maison d'arrêt, les prisons sont pleines à craquer. Mate la pub, elle passe en boucle pour ta fée au pénitencier. Ils se voient la face, cousin, j'ai mal pour eux. Ils écoutent pas la profondeur de mes couplets, frangins, c'est malheureux. On est cramé d'après eux. Ils nous appellent les têtes brûlées parce qu'ils estiment qu'on ne fera pas long feu. Ils se voient la face, cousin, j'ai mal pour eux. Ils écoutent pas la profondeur de mes couplets, frangins, c'est malheureux. On est cramé d'après eux. Ils nous appellent les têtes brûlées parce qu'ils estiment qu'on ne fera pas long feu. Je reviens en forme, j'ai plus d'appétit. Et petit à petit, c'est pas l'oiseau mais bel et bien la mouche qui fait son nid. Et puis j'étouffe, j'ai pas tout dit, du mal à me contrôler. Les sous c'est comme les soucis, on a du mal à les mettre de côté. Ouais y'a pas un radis, on ira tous au paradis. Mon cul oublie ça vite. Sois pas ravi, ma sœur partage, sois paradine. Même avec les gens que tu trouves bizarres, parce qu'au final, les contraires s'attirent. Et encore hier, j'ai vu un truc chelou dans le ciel. Moi je suis conscient de mes erreurs, mais toi es-tu conscient des tiennes? Alors bien sûr je pourrais rapper que la vie c'est un rêve, mais les terroristes ne feront pas sauter la gare un jour de grève. Et je représente les mecs à deux tensions qui se pètent le crâne à coups de chichon. Ça c'est tout le char de la maison. Par ici passant, on rapplique pour que justice soit faite. Quand je rappe, je m'applique. Donc face à moi, même les grosses têtes restent bête. Écoute et réécoute car ce texte en vaut la haine. Et ne me demande pas pourquoi la mouche quand autour de moi y'a autant de merde. On devient fou et heureusement qu'y'a encore des gens sensés. Oui on devient fou et heureusement qu'on s'entend pas à penser. Ils se voient la face cousin, j'ai mal pour eux. Ils écoutent pas la profondeur de mes couplets, frangins c'est malheureux. On est cramé d'après eux. Ils nous appellent les têtes brûlées parce qu'ils estiment qu'on ne fera pas long feu. Ils se voient la face cousin, j'ai mal pour eux. Ils écoutent pas la profondeur de mes couplets, frangins c'est malheureux. On est cramé d'après eux. Ils nous appellent les têtes brûlées parce qu'ils estiment qu'on ne fera pas long feu. Paraît qu'une clope ça t'enlève 3 minutes de vie, vu tous les joints que j'ai fumé. Moi je devrais bientôt mourir, alors je cogite pourquoi on a dû inventer le mot nécrophile. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme pour qu'ils veulent qu'elle mort, frérot je flippe. Et y'a ce mec qui cherche une vie sereine et lit des livres. Puis ce mec abuse sa femme parce que toute la semaine il est ivre. Comme ce mec qui force ses putes à scam et ce dingue il est nique. À l'heure où les tox procurent à la pharmacie leur seringue hygiénique. Chétan et ses partisans, partout ils sont présents. Chouffe le logo d'Apple, il manque un croc, serait-ce la pomme d'Adam. Il camoufle la vérité comme on camoufle le shit avec du romarin. Pour ça ils sont prêts à tout, demande pas ce que feraient les Roms pour un rein. Oui on vit dans un monde de fous, un monde atroce. Rends-toi compte qu'il y a des darons qui prennent un malin plaisir à branler leurs gosses. Et tous les jours j'envoie des belles dans le journal. Me reproche pas d'être hardcore, la vérité blesse donc mes textes font mal. Petite sœur, n'écoute pas, laisse dire que t'es une fille coincée. Façon vaut mieux ça, laisse les gens parler. La virginité c'est comme une mouche sur le cul d'une vache, tu comprends pas. Un coup de queue et ça s'en va. Ils se voient la face cousin, j'ai mal pour eux. Ils écoutent pas la profondeur de mes couplets, frangins c'est malheureux. On est cramé d'après eux. Ils nous appellent les têtes brûlées parce qu'ils estiment qu'on ne fera pas long feu. Ils se voient la face cousin, j'ai mal pour eux. Ils écoutent pas la profondeur de mes couplets, frangins c'est malheureux. On est cramé d'après eux. Ils nous appellent les têtes brûlées parce qu'ils estiment qu'on ne fera pas long feu.